abandonné, abandon, abandon, don, donné. J'ai été donné à lui, il y a longtemps. Longtemps, temps, vent, sang, dent. J'ai vu pousser sa première dent. Dent, ment, mente, tente, pente. Ah, la pente de son premier toboggan. Il m'y a jeté d'abord pour voir si ça faisait mal. Mal, malotru, autruche, perruche, cruche, truche. Ouais, non, ce mot-là, je suis pas sûre qu'il existe. Existe, triste, tricot, Pierrot. Non, pas Pierrot. Son nom, c'est Mathieu. Avez-vous vu Mathieu? Ramenez-moi à lui. Lui, pluie, tonnerre, orage, boue. De toute façon, dans mon état, il ne voudrait plus de moi.